Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. C'est un visage doux comme une amande, tourné vers le ciel, le regard gris-bleu, ultra déterminé. Amelia Earhart, 30 ans, a de grands rêves et une volonté en titane. Véritable légende, elle n'a qu'un seul mot à la bouche. Voler, voler, voler! Dans les années 1930, l'aviation en est à ses débuts. À chaque vol, les pilotes risquent leur vie. Tant mieux! Je suis pas du genre à avoir froid aux yeux! Ni au cou d'ailleurs, car je mets toujours mon cache-nez! Incroyable casse-cou. Amelia Earhart est la femme de toutes les premières fois. Elle multiplie les records. Sans cesse, elle repousse les limites. Mi-femme, mi-oiseau, jusqu'où iras-tu, Amelia Earhart? Je ne sais pas alors, mais j'y vais! Ah, comment vous dites déjà? Ah oui, c'est parti pour une nouvelle odyssée! Avant d'avoir 30 ans, Amelia en a eu 7. Voici donc 7 ans qu'elle est sur Terre. 7 ans qu'elle bondit, qu'elle vrombit. C'est une boule d'énergie. Bonjour le jour. Eh oui. C'est elle là, qui vient de crier depuis la fenêtre de sa chambre. Le soleil vient tout juste de se lever. Et déjà, elle veut réveiller les arbres, les oisillons, les brins d'herbe. Bref, la Terre entière. Je n'ai qu'une chose à dire. Vive la vie! Nous sommes en 1910. Amelia habite chez ses grands-parents, dans la petite ville d'Atchison, au beau milieu des États-Unis. Son grand-père, ancien juge, aime l'ordre. Sir, yes, sir! Oh purée, je suis pas aidée. Bon, allez, pas de panique. Les aventures, faut aller les chercher. L'imagination d'Amelia est une forêt fertile où poussent sans cesse de nouvelles idées. Elle ose tout. Toujours suivie par sa petite sœur Muriel, elle s'engouffre dans des grottes effrayantes, cachées à l'intérieur de dangereuses fraises. Falaises. Oui, falaises. Eh oh! Y'a quelqu'un? Eh oh! Bouh! Ah! Elle chasse les rats à coups de carabine, ou bien elle saute, toujours plus haut, toujours plus loin, au-dessus d'immenses fossés. Muriel, Muriel, regarde bien! À la une, à la deux, j'y vais! Parfois ça passe, parfois... Ouh! Oh! La petite a les genoux recouverts de croûtes. En 1914, lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Amelia a 17 ans. Les soldats américains et canadiens, envoyés combattre en Europe, rentrent la gueule cabossée. Amelia découvre l'horreur de la guerre. Je veux aider, me rendre utile. Au Canada, où elle a rejoint sa sœur, elle devient aide-infirmière dans un hôpital militaire. Les soldats ont besoin de parler, Amelia les écoute. Et ce que les pilotes racontent... Oh, pétard! Elle est bouleversée. Mon avion a piqué du nez, j'ai cru que j'allais y passer. Et puis non, j'ai réussi à redresser le coucou. Un miracle. Quelques minutes plus tard, le soleil s'est levé. Soudain, j'ai vu le monde. La terre, les villages, les forêts. Tout cela était balayé d'or. Et moi, au-dessus, qui volais. J'étais devenu comme une toute petite feuille. Ces pilotes qui n'ont pas hésité à risquer leur vie pour quelques minutes de bonheur dans les airs, la fascinent, l'émeuvent. L'aventure, l'adrénaline, les exploits. Son cœur bat la chamade, ses yeux brillent. À À l'époque, à moins d'y aller à la hache. Et encore, très peu de chemins s'ouvrent pour les femmes. Vous pouvez être une bonne mère et une bonne épouse. Merci du cadeau. Alors, que fait ? Elle quitte la côte est, direction la Californie. À Los Angeles, le soleil tape fort et le ciel est si bleu qu'il paraît immense. La terre, les villages, matin, midi et soir, les forêts. Amelia pense au pilote canadien. Tout cela était balayé d'or. Et moi, au-dessus, qui volais, j'étais devenue comme une toute petite feuille. Aussi, lorsqu'elle apprend qu'un aérodrome vient d'être inauguré au sud de la ville, sans réfléchir, elle fonce. Tous ces week-ends, elle les passe désormais là-bas, le nez en l'air. Youhou ! Incroyable ! Génial ! Elle regarde les avions décoller, atterrir, vriller, tournoyer. Il est temps de passer à l'action. Amelia, à 23 ans. Assise derrière le grand pilote, Frank Oaks, dans son biplan, c'est un petit avion avec deux ailes superposées, elle est sur le point de voler pour la première fois. C'est son baptême de l'air. Son cœur palpite. Vous êtes prête, mademoiselle ? C'est parti ! Un mécanicien tourne l'hélice. La carlingue vibre. Le tas de ferraille roule sur la piste. Il prend de l'élan, il quitte le sol, ça y est, il décolle! Plaqué sur son siège, le cœur sur l'estomac, Amelia se prend un gros paquet d'air sur le visage. Elle sent le vide, là, tout d'un coup, la terre s'éloigne, l'horizon s'élargit, ils se fondent dans le bleu, ils foncent dans les airs, ils sont ailleurs. C'est divin. Quelques secondes suffisent à Amelia pour comprendre. C'est ça et rien d'autre. Je veux voler, voler, voler, et puis c'est tout. Maintenant, il faut apprendre. L'aviation est un milieu d'hommes, les femmes y sont très rares, mais pas totalement absentes. C'est Anita Snook, l'une des premières pilotes américaines, qu'Amelia choisit comme professeur. Pour payer les cours qui coûtent affreusement cher, Amelia enchaîne les petits boulots. Elle n'est peut-être pas la meilleure des élèves, mais certainement la plus fougueuse et la plus pressée. Elle ne peut se passer ni du ciel, ni de l'air. Ce qu'elle veut, c'est pratiquer. Décoller, atterrir, et ma foi, ce qui se passe entre les deux, bah, elle verra bien. Au bout de 6 mois, Amelia a réussi à économiser assez d'argent pour acheter un petit avion d'occasion qu'elle peint tout en jaune et rebaptise le Canari. Toi et moi, on va faire des prouesses. Le ciel, dans ces années-là, est un espace à explorer. Tout est à faire, à inventer. Tout est question d'exploit. Amelia compte bien prendre sa part pour elle et pour toutes les femmes. Nous sommes tout aussi capables que les hommes. Et je vais le montrer. Chaque vol, Amelia tente de grimper un peu plus haut dans les airs. En octobre 1922, elle est la première femme à atteindre 4300 mètres d'altitude. 8 mois plus tard, elle obtient sa licence de pilote. Je suis la 16e pilote américaine ! Youhou ! Le 21 mai 1927, les radios font une annonce fracassante. À bord de son avion, le pilote Charles Lindbergh vient de réussir à rejoindre Paris depuis New York en 33 heures et 30 minutes. Il devient le premier pilote à traverser l'Atlantique sans faire d'escale. Bravo à lui. Amelia tombe presque de sa chaise. Oh, la vache, il l'a fait! Cette nuit-là, elle n'arrive pas à trouver le sommeil. Elle imagine Charles Lindbergh dans son cockpit, se faufilant entre les nuages, masque sur le visage, cheveux battus par les vents. Quel pied il a dû prendre! Traverser l'Atlantique, elle aussi, elle en est capable. Il faut qu'elle se lance, pardi! Mais avec quels moyens? Et surtout, quand? Un an plus tard, le destin toque à sa porte. Ou plutôt, ah oui, il passe un coup de téléphone. Oui, c'est elle-même ? Devenir la première femme qui vole au-dessus de l'océan Atlantique ? Si je suis partante ! Amélia devient rouge, bleue, violette. Elle bouillonne de joie, de bonheur. Elle se retient de hurler, de bondir. Oh, la vie tout de même ! Elle offre parfois de merveilleux cadeaux. Enfin, je crois. Pardon ? Vous pouvez répéter ? Je n'ai pas bien compris. C'est génial. Le pilote Wilmer Stutz et son mécanicien Louis Gordon seront ravis de vous avoir à bord de leur avion. La douche n'est pas froide. Allez, glaciale. Moi ? Je traverserai l'Atlantique comme une simple passagère ? Assise sur un strapontin ? Amelia Earhart fait contre mauvaise fortune, bon gré. Après tout, cela reste une expérience extraordinaire. Le 17 juin 1928, Wilmer Stutz, Louis Gordon et Amelia Earhart décollent de Terre-Neuve, à l'est du Canada. Après une traversée de 20 heures et 40 minutes, ils se posent à l'ouest de l'Angleterre. 20h40 ? Waouh ! Waouh ! C'est un nouveau record ! L'équipage est acclamé partout dans le monde. Amelia Earhart devient une vedette. Devant les crêpes qui fléchitent, devant les flashs qui crépitent, elle montre son plus beau sourire. Oh, vous savez, j'ai seulement été transportée comme un sac de pommes de terre. Je la referai, cette traversée. Et cette fois, je serai seule aux commandes. Après ça, notre pilote enchaîne les records et les vols spectaculaires. Oh, mamma mia ! Elle n'a peur de rien. En 1932, le moment est venu. Amelia va enfin tenter cette fameuse traversée de l'Atlantique en solo. Plusieurs femmes avant elle ont déjà essayé. Toutes ont échoué, trois ont même disparu en mer. Le danger est bien réel. Au-dessus de l'océan, aucune escale n'est possible. Il faut tenir son avion coûte que coûte, dans le froid, les tempêtes, sans dormir, sans manger, sans se perdre. Amelia, plus déterminée que jamais, a étudié toutes les cartes. Elle a bichonné son avion. Elle est prête. Le 20 mai 1932, 5 ans jour pour jour après le vol de Lindbergh, Amelia Earhart décolle de Terre-Neuve. Souhaitez-moi bonne chance, Laure ! C'est parti ! La traversée est difficile. La pilote lutte de toutes ses forces. Ça va, Amelia ? Disons que je tiens le choc. Enfin, le lendemain, elle atterrit en Irlande après une traversée de 14 heures et 56 minutes. Ce qui veut dire que... Oh oui, purée ! Elle a pulvérisé le record de Lindbergh, qui était de 33 heures. Amelia est entrée dans la légende. Et maintenant, que faire ? Eh bien alors, mais voler plus loin ! Voler plus haut ! Rêver plus grand ! L'année d'après, elle traverse le continent américain, encore une première, et 2 ans plus tard, en 1935, elle réussit l'exploit de survoler seule et sans escale tout l'océan Pacifique. La frondeuse ne compte pas en rester là. Le 20 mars 1937, elle décolle de l'île de Hawaï pour tenter son plus grand défi, réussir à faire le tour du monde en avion. Après de nombreuses escales et quelques pauses pour problèmes techniques, en juillet 1937, elle disparaît, hélas, au beau milieu de l'océan Pacifique. Jamais on ne l'a retrouvée. Incroyable casse-cou, pilote légendaire adoré de toute l'Amérique, Amelia Earhart a conquis le ciel. Elle a volé par passion et pour offrir aux femmes un nouvel horizon. Où es-tu passée, Amelia Earhart? Qui sait, quelque part sans doute, entre le ciel et la terre. Derrière cet épisode, Elia, Marion Lelay, Alice Rouet, Hélène Philly, Basile Bocquer, Amelia Earhart et moi, Laure Grand Besançon. Les humains rêvent de voler depuis la nuit des temps. Mais le premier vol à bord d'un engin motorisé, nous le devons aux frères américains Orville et Wilbur Wright. Le 17 décembre 1903, ils s'envolent au-dessus d'une plage à bord d'un biplan de 12 mètres sans roue. Hip hip hip! Les Odyssées est un podcast original de France Inter.